Ma troublante Carrie. Carrie, moi je viens de vendre le punch. OK, mais ils savent pas. Ils connaissent pas le début et l'aboutissant. OK? On recommence pas. On se lance. Alors, ma belle Olivia, tu sais que à l'âge que j'ai, je ne suis pas né de la dernière Carrie. Oh! Non, rien à voir avec le film Carrie. Ouais. Je vais la retravailler. Aujourd'hui, le lundi 30 janvier 2023, monte le volume. Olivia, monte le volume et hume la différence. Car c'est parti, mais joli! Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Ça va, mes amis? En ce beau 30 janvier day, On embrasse le mois de février. Et je vous le conseille fortement, faites-le avec la langue de chez nous, que l'on appelle le québécois. Non, c'est pas une langue. Le joual. Non, c'est pas une langue non plus. Tout ça, c'est des dialectes. Ben, le français, voyons, il n'y a pas besoin de chercher du lundi jusqu'au dimanche en passant par le vendredi et sans oublier le... Je sais pas si on devrait passer... Je recommence. On devrait demander à tout le monde quelle est votre journée préférée. Selon moi, rapidement comme ça, sans trop réfléchir. Tu sais, moi, ce que je veux en venir, c'est que le samedi... Pour la majorité, c'est la journée de liberté, la journée où on est, en, comme je l'ai dit souvent, en liberté surveillée, parce que le dimanche, moi j'ai travaillé pendant 14 ans de ma vie, la semaine sauf, j'ai travaillé toute la... ça va bien. Je travaille tout le temps, moi. C'est pour ça que j'ai plus d'idées, j'ai plus rien qui rentre dans ma tête. Ça sort par l'opuscule et ça sort et ça rentre par le minuscule. Puis moi, je me dis, à force d'être trop minuscule, on reviendra plus à se voir, là. Ben beau, les mini, tout est mini. L'été, j'aime ça, les mini. Plus c'est mini, plus c'est... rafraîchissant pour le regard. Moi. Et puis là, qu'est-ce qu'il voulait dire là-dessus? Ah oui, j'ai travaillé pendant à peu près plusieurs années. Et mes journées de congé, c'était le mardi et le mercredi. Mais moi, ça me convenait. Parce qu'à cette époque-là, ben, j'avais pas de famille, pas d'enfants, pas de femme. Aujourd'hui, j'ai pas de famille, pas d'enfants, pas de femme. Non, mais c'est parce que dans ce temps-là, m'en va vous raconter, il y avait dans un bar à Québec, un des plus vieux bars, là, tous les artistes y allaient, c'est dans un sous-sol, ça existe encore. C'est sur la rue Saint-Angèle, j'en dis pas plus. On peut dire que le bar porte aussi ce nom-là. Il y avait les mardis magiques. Je ne sais pas si vous en rappelez. Mardis magiques. Et puis là, tous les drinks étaient à 3$. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment ça coûte un drink. Je ne vais plus dans les bars. C'est très rare. Je visite quelques fois des micro-brasseries, dont une tout près de chez moi, pour faire des sauvettes, pour faire des rencontres. Puis ça fonctionne pas jamais. Ça fonctionne, mais c'est toujours décevant. Ah oui. Puis j'ai déjà dit à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, là, sur ton site, là, tu devrais enlever toutes les photos où tu souris. Elle me regarde, elle dit, pourquoi? Ben, ça fait 45 minutes là, qu'on est ensemble et je t'ai jamais vu sourire. Elle n'a pas trouvé drôle, mais tant mieux. Non, mais il faut être direct avec le monde, là, voyons donc. On se montre sur son meilleur jour ou pas. Elle arrive, elle dit, oh, j'ai mal au ventre. Ben, t'avais juste à me le dire. On aurait pu reporter tout ça, il n'y a rien qui presse. Ah ouais, moi je vais mettre ça au clair. Mettre quoi au clair? Il n'y a rien à mettre au clair. On est là pour le plaisir de la discussion, le plaisir d'échanger, le plaisir de... Non, j'ai mal au ventre. Bon. Sinon, ça va bien. Ça va bien. Là, on commence à parler de son pays, qui n'est pas le Québec. Et là, j'ai dit, mais c'est bien parce que t'as pris certains accents québécois. Elle dit, non, j'ai pas l'accent. Là, c'est sûr que j'ai pas sa voix, là, mais... Là, j'ai dit, on est loin. Là. Puis elle dit, je suis en arrêt de travail. Là, c'est parce qu'à cause de ton mal de ventre. Non! Non, parce que ça va pas très bien. OK. Peut-être elle veut pas en parler. On n'a pas, j'ai pas creusé l'affaire. Puis là, moi, je revenais d'Europe à cette époque-là, même de Paris, et je lui ai dit, je t'ai amené un petit cadeau. J'avais mis ça dans un sac, un beau sac là, que j'avais acheté. Et parce que moi, j'adore faire des cadeaux. Comme disait Burgess, je préfère donner que de recevoir. Là, après ça, là, pendant que la soirée... Elle voulait que ça termine. Ah oui. Puis là, imaginez-vous, mieux que ça, que nous étions dans une micro-brasserie. Ils ont de la bière, là, pour les fins et les flous. Ça, c'est quand t'en prends trop et plus, tu deviens flou. Mais elle dit, je bois pas. Ben oui, mais la veille, je t'ai demandé si tu voulais venir dans une microbrasserie. Tu m'as dit oui. Ben, mais je t'ai pas dit que je buvais pas. Non, mais on aurait pu aller dans un café. Ah, c'est pas grave. OK. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre? Je vais prendre une tisane. Fait que là, hey, le serveur arrive. Avez-vous des tisanes? Et là, j'étais gêné à sa place. Je la connais pas. Non. J'ai dit, moi, je vais prendre votre stout. Il dit, malheureusement, mon cher monsieur, nous n'en avons plus. Parce que c'était la fin de la soirée. Il était 23h. Je dis, oh, OK. Je vais prendre votre Scotch Ale. Il dit, malheureusement, monsieur, nous en avons plus. Je dis, là, c'est ma soirée. J'étais avec une insignifiante. Qui a mal au ventre, hein, qui ne voulait pas attendre, puis qui veut prendre une tisane. Hey! Puis moi, j'allais là pour la rencontrer, avoir du plaisir, prendre une bonne Scotch Ale, ouais, une bonne, comme je l'ai dit, là, une genre de porter. Là, oui, c'est ça. Oui. Et puis, une bière noire, tu sais. Et puis, je sentais toute la fin de soirée, parce que moi, j'avais travaillé toute la journée, là. Et je m'étais présenté en scooter. Donc, j'avais donné beaucoup de... Elle est en voiture. Et puis... ça inaugurait très mal. Très, très mal. Mais en même temps, c'est mieux comme ça. J'ai pas perdu mon temps. J'ai vu qu'il y avait rien à faire avec cette dame, cette mademoiselle, ou cette cybernaute. Hein? Oui. Oui, parce que je l'ai trouvé sur Internet. C'est beau, Internet. Hein? Oh, mon Dieu, ça fait rêver. We'll be right back. Mademoiselle. Oui, Marie-Ève, vous êtes cadre. Ça tombe bien, moi, je suis cassé comme un clou. T'as comprends pas? Cadre, clou. Un cadre se tient sur un clou. Oh, je suis dans l'humour, moi. Et vous? Dans les sous-vêtements? Bon, OK. Non. Vous aimez pas l'absurde? Bon, ça tombe bien, j'en fais. Oh, l'absurde. Oui. Non, ça fait pas mal. Je me lave à tous les jours. Oui, je me crème. Oui, et moi, là, c'est les mains, hein. Parce que ce qui est beau chez moi, c'est mes mains. C'est comme ça, tu sais, j'ai pas choisi. Moi, j'ai pas dit, écoutez, à la naissance, s'il vous plaît, dotez-moi de belles mains, parce que sinon, ben, j'aurais peut-être changé pour autre chose. Mes cheveux, madame, regarde-moi ces cheveux-là. Ils sont ridiculement beaux. Ridiculement beau. Ce n'est pas un porte-manteau. Non, ce n'est pas un nez de clown. Non, madame, ce n'est pas l'épée de Némoclès. C'est mon nez. C'est mon nez. C'est mon idéal. Mon idéal, je le voulais même pas comme ça. Ils me l'ont imposé, ils m'ont dit, garde. Regarde, accepte-toi donc comme tu es. Hein? Tu commences à caler. Mon Seigneur, oui, moi, je cale. Je cale dans la neige, je cale dans l'eau. Je cale même sur la terre ferme. Ah, oui, parce que c'est pas si ferme que ça, la terre, hein. Tout est mou. Tout est mou, mou, mou, mou, mou. Puis là, je parle pas de mon ventre. Mon ventre est pas mou. Hein? Moi, je suis athlétique, moi. Ah, bon, doux Seigneur. Hey. Moi, j'enlève du poids. Ah, oui. Du poids A2, A3, puis A17. Mais pas dans l'ordre. Des fois, je m'étonne. Oui, c'est. On appelle ça, madame, dans le milieu. Aléatoire. Aléatoire. Atoire? Atoire, je sors pas. Ah non, atoire, parce qu'il fait froid, hein. Puis je me prépare à mon voyage, je m'en vais à Paris. Oui, madame, oui, mademoiselle, je m'en vais à Paris. En fait, là, on peut dire que c'est presque des vacances. Parce que même si je rencontre des artistes, hein, je dois être un peu moins festif, bon, hein, plus sérieux, quoique. Mais, pardon, quoique, vous connaissez pas quoique? Très rigolo, quoique. Hey, tu y dis plein de choses, et quoique, quoique, on dirait qu'il y a le hockey, quoique, quoique. Mais là, oui, j'y vais, oui, je fais des rencontres, mais je pense que c'est la première fois que je fais des... Je fais très peu de rencontres parce que je vais être honnête avec eux. Là. Ceux que je revois, c'est parce que j'ai eu un problème avec ma carte. Pas ma carte routière, là. Non, c'est ma carte SD. C'est pas une nouvelle maladie. Non, je me quand tu es à Paris, tu te protèges, surtout quand tu vas à Pigalle. Ah bon, tout. Moi, j'ai la fesse légère à Pigalle, ça n'a pas de bon sens. Ah, toujours prêt à montrer mon postérieur, puis ah oui. Ben, c'est là que ça se passe, hein? Toutes les prouesses, là, le moulin de minuit, là. Oui, dans Forêt Rouge, Moulin Rouge, Forêt Rouge, ouais, deuxième juin. Ouais, c'est ça, ça se passe là, là. Tu sais, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle, c'est pas, hein, m'en vais voir les petites filles de Limoilou. Mais non, c'est pas ça, là! La chanson, c'est pas la bonne! Et puis, là, je m'en vais voir les filles de Tombouctou. Non, ça marche pas, ça marche pas. Et ça fonctionne pas. Ah non, ça fonctionne pas, ça fonctionne plus. Je suis perdu, fait comme l'oiseau. Qu'est-ce qu'il voulait dire, l'insignifiant? Oui, je m'en vais, j'arrive à Paris là, le 4. Bon, je pars le 3. Je suis un rapide. Est-ce que je peux regarder mon agenda? Demande donc à M. Adidas, mais il n'y a pas besoin de demander à M. Adidas. Oui, c'est ça. Je pars le 3. Je pars en voyage et j'arrive là-bas le 4, on perd une journée. Mais après ça, là, je l'ai toujours dit, je reviens le 11. OK, je prends l'avion le 11 à Paris et j'arrive le 11, une heure et demie après avoir quitté Paris. Ça, là, si c'est pas de la télétransportation, je sais pas comment t'appelles ça. Moi, j'appelle ça la radiotransportation. Excellent. La seule qui propose ça, c'est CKRL. Si vous êtes pas membre, vous pourrez jamais arriver à ça. Ça, ils mentionnent même pas sa carte, là, parce qu'ils veulent pas non plus amener toute la population du monde entier à devenir membre s'ils l'écoutent pas. Puis ça mérite, ça mérite le fait que je vous l'ai dit maintenant. Vous pouvez propager la bonne nouvelle, hein. Lundi, là, demain, ben, on est lundi, là, mais tout à l'heure, là, quand vous allez travailler, si vous travaillez lundi, vous allez pouvoir dire, écoutez, je vais écouter les CKRL, moi, là. Oh, Air France canadienne, là, cette nuit, là, la première émission à minuit, là, c'est la première émission de la semaine. Oh, là, ça a commencé solide. Solide comme ça, là, c'est comme un clou qui veut accrocher son cadre, là, puis le clou, tu sais, il faut qu'il soit assez gros, parce que le mur, bang, bang, bang, bang, bang, puis le cadre, c'est un gros cadre, c'est un gros beau cadre, là, avec un petit dessin, mais ce qui vaut le plus cher, c'est l'armature, tu sais, c'est le cadre qui représente la photo, puis la photo, c'est Muriel Millard qui l'a faite. C'est un clown. Qu'est-ce que t'as contre les clowns? J'en suis un clown. Faut respecter tout le monde, là. Puis quand tu te fais traiter de clown, là, c'est quand même très, très, très méchant envers nos clowns, nos amuseurs publics. Donc, j'arrive, là, je pars, c'est ça, je te l'ai dit, hein, je partais, moi, là. Mademoiselle, oui, madame, et les autres, oui, OK. Alors, je pars le 3 et j'arrive le 4. Et je passe toute la semaine, mais je rencontre pas beaucoup de monde, là, parce que j'ai un problème de carte SD lors de mon premier voyage après ce qu'on l'a... pandémie. Oui, ça a tiré partout. Et j'avais amené des cartes, mais les gens avaient tellement de choses à dire que j'avais tout rempli. Puis normalement, j'en amène deux de sûreté. Mais à ce moment-là, je dis, oh non. Puis j'ai échappé aussi. Manque de bol. J'ai pris une assiette. C'est une expression manque de bol. C'est arrivé de même. Aux douanes à Paris, il me demande d'ouvrir mes magnétos, de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Fait que j'ouvre mes magnétos et j'en échappe un. Et la carte micro SD part. Mais moi, je ne savais pas. Je l'ai su quand j'étais arrivé à Québec. Faire mes montages, mes trois dernières rencontres. Je dis, oh non, j'en ai juste un. Parce que j'amène toujours deux micros. Micro qui sert aussi de magnéto. Suivez-vous le modèle, vous, là. À moi, c'est un modèle, on peut pas le nommer. Mais, j'en avais amené deux, donc j'en échappe un. La carte SD, micro SD part. Je le sais, une fois que je suis arrivé chez nous, j'essaie de rentrer ça dans l'ordi. Ma carte en... Puis là, je me rappelle, j'ai échappé ça à Paris. C'est épouvantable. Puis j'avais des rencontres incroyables. Le groupe Bernard, que je vais revoir. Et puis même, je paye les verres là-bas. Il y a un ami qui a un bar, puis on y va. Ensuite de ça, je rencontre... Ah ben oui, elle est incroyable. En tout cas, je ne vais pas tous vous les nommer, parce qu'il y a des choses. Mais pour me faire pardonner, je les invite à déjeuner. OK? On est à Paris, donc déjeuner, c'est dîner. Je les invite à dîner. Et je fais ces rencontres-là. À ce moment-là, parce que je trouve que c'est tellement agréable de discourir pendant qu'on mange, parce qu'on a du plaisir, la bouffe est bonne, le vin est cool, mais j'ai pas vraiment bu de vin avec les gens en juillet, si je me rappelle. Ah oui, avec Didier Ouvrard, oui. Quelle belle rencontre, Didier et moi. En tout cas, bref. Donc, je m'en vais là pour à peu près 6-7 rencontres. En combien de jours, on va vous le dire? 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 7 jours. Donc, parce que je ne compte pas la journée où je reviens. Donc, ça me fait quelques journées parce que je vais faire ça peut-être pendant les mêmes... Là, vous allez dire, ouais, mais il y a juste deux déjeuners, un déjeuner par jour, je le sais. Mais je vais peut-être les inviter aussi à dîner. Tu sais, un déjeuner, l'autre dîner. Fait que je vais passer mon temps à manger et à boire. Et puis après ça, ben, je vais avoir du temps. Parce que je vais aller voir la maison rue Verneuil de mon ami Gainsbourg. Puis j'aimerais aussi amener avec moi Adrienne Poli. On pourrait parler. Donc, il faut que je m'achète des micros sans fil pour brancher sur mon magnéto qui est portable, qui est plus gros que les petits. C'est intéressant. Ce que tu me dis là, c'est tellement technique. Oui, mais quelquefois, la technique... Oui, je sais. Mais moi, tu sais, je préfère quand c'est plus naturel, moins calculé. Oui, mais C'est pour toi qu'il calcule, c'est tous tes micros, là. Il prend le son environnant, puis il calcule les bruits de fond, puis il t'analyse tout ça pendant que tu parles. Hein, c'est de la magie? Ouais, c'est presque ça. Arms around her, a thin and cool blouse. They watch the sunlight slide in cold squares across the world. They watch the sunlight slide in cold squares across the world. Alors, je reçois des courriels, je tiens à dire, ben là, comment ça, tu reçois des courriels, on ne sait même pas ton adresse. Hey, tous les gens qui sont branchés, là, OK, connaissent le courriel. Au pire, tu vas sur le site de CKRL, au mieux, tu vas au site de CKRL, au mieux, tu arrives sur ma page Gérance Renadienne, et au mieux, tu vois mon adresse courriel. Ah, mon Dieu, c'est de la magie! Oui, c'est vrai, c'est de la magie. Tout est magie, hein? Un enfant qui naît d'un amour véritable, inévitablement s'endort en pleurant. Un enfant qui dort, uni par une étreinte. C'est une petite chanson de passage. Ouais, des fois le passage est long, hein? Mon image. Je vais aller m'acheter un paquet de cigarettes. Je le mérite. Je manque de nicotine. Regarde mes cheveux. Les cheveux, ouais, ils sont jamais jaunes. La nouvelle mode. Ils ont augmenté les cigarettes. Ils ont augmenté les cigarettes, voyons donc, oui. Ils nous aiment plus. Ils nous aiment plus. Eh, hey, monsieur, hein? Ils aiment ça, nous voir triste. Ils augmentent les cigarettes. Ils augmentent l'alcool, j'en ai... Non, c'est pas juste à Hull, c'est à Québec aussi, partout, Montréal, Tombouctou, je sais pas, c'est peut-être moins sûr. Mais Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, plus t'es loin, plus ça coûte cher. Imagine-toi, à tête à la baleine. Hey, tu veux t'acheter un Marius, un excellent Marius, c'est une bouteille de vin, Marius, c'est, je vous le conseille. Oui, c'est, ben écoutez, ça vient d'où? C'est hindou. Non, ça vient avec une bouteille, là. Puis à l'intérieur, il y a du vin rouge. Parce que c'est le rouge qu'il nous faut, pas le blanc. Le blanc, c'est, oh mon Dieu, j'ai rien contre le blanc. Le blanc a souffert, mais le rouge aussi, hein? Ah, mon Dieu! Combien de rouge a pâti sous les raisins? Les pieds nus, les orteils cassés. Ah, mon Dieu! Les ongles court-circuités par le cépage. Court-circuités par le cépage, c'est beau, hein? Et on prend des notes. Je fais, à chaque fois que je fais mes émissions, là, j'ai 3-4 étudiantes et étudiants. Mais là, c'est, les gars, ça ne les intéresse pas. Eux autres, c'est les voitures, c'est les motos. Mais les filles, c'est la littérature, c'est les jeux de mots, c'est bien sûr l'absurde. Pour elles sont plus décontractées. Les gars sont un peu plus... Les filles sont plus relaxes, même si c'est dans leur syndrome prémenstruel. Ils ont pas de problème. Ils sont détachés de la gorlotte. Puis... Il n'y a rien qui les... Mais c'est des filles, tu sais, c'est pas comme les gars. Les gars, c'est pas comme des filles. Puis, hein, pardon, ça peut durer 2 heures, oui. Mais c'est vrai, hein, ce qu'on vient vous dire, là. On vient de vous le dire à l'oreille. Et j'espère que c'est pas l'oreille... Non, parce que même les sourds comprennent, hein. Mon émission est en braille. Bon, pour écouter Rance Renadienne en braille, il faut déjà avoir le clavier braille. Branchez ça sur CKRL, votre ordi ou le clavier, ça dépend. Et puis, ça peut être Bluetooth ou Bluetooth. Comment tu appelles ça aussi? USB? USB? Ça peut être USB, oui, on me l'a dit. USB ou PayPal. Non, c'est rien de PayPal, ça, c'est le mode de paiement. Hein? Oui, simplement 99,99 sur PayPal. Puis ça rentre des... Ah, c'est pas ça que tu voulais, puis là, ça a tourné, puis là, c'est trop tard, là. Si vous avez accepté, bravo, merci, puis bon, à la prochaine. Tu reçois ça, tu défais ça, voyons, d'or. Mais comme t'es PayPal, t'as des... Eux autres, là, c'est comme tes grands frères ou tes grandes sœurs. Tu peux faire des erreurs, ils vont tout t'arranger ça. Tu payes un petit peu. Non, tu payes même pas PayPal. C'est, ouais, tu payes pas. C'est gratis. C'est des grands frères, des grandes sœurs, des gens de Sœur Teresa ou des Normand Bratois de Sedan. Hein? Normand Bratois, c'est pas un religieux, lui. C'est pas un curé, non? Non, lui, c'est le curé Bébelle. Ah, mon, y en a-tu de la Bébelle? Ah, en tout cas, c'est pas lui qui va... Non, je veux pas trop dire des affaires qui pourraient peut-être insignifier que j'étais un séné signifiant dans ce temps-là, parce que j'ai jamais été insignifiant. Peut-être dans mes rêves. Tu sais, quand tu parles en dormant, là, mais moi, comme je dors pas, ou je dors très peu, je dors les yeux ouverts, mais même pas besoin de cure-dents. Ah, moi, le cure-dent, là, ça me sert même pas pour les dents, même pas pour les yeux, pour les rester ouverts. Ça sert à rien. Ouais, des fois, je m'enfarge dans un cure-dent. Ah, ben là, ça veut dire que ça fait au moins 3-4 jours que j'ai pas dormi. J'ai la garlotte un peu basse, et puis la mine un peu haute, et la teint un peu blanchâtre. Oh oui, mais je demandais à Claude Blanchard, je disais, Claude Blanchard, toi, là, tu dors plus, t'as jamais dormi? Il dit, oh non, avant ma mort, là, je dormais pas. Oh non, oh non. Puis plus j'essayais, tu sais, je me forçais, regarde, tu t'es tellement plissé, c'est vrai, voyons donc, Claude Blanchard, qu'est-ce qui se passe? Mais à force de forcer pour essayer de dormir, j'arrive pas à dormir, Mais écoutez, parce qu'au début, je le tutoyais. Puis là, comme je voyais qu'il devenait bizarre, je dis, mais là, il fait peut-être pas partie de mon monde, là. Puis là, il y a des gens qui me connaissent un peu. Ils disent, hey, voyons d'autres, toi. Ouais. Bizarre égale Rénal Gagné. Bizarre égale errance rénaldienne. Bizarre égale. Attention, êtes-vous prête, mademoiselle, mesdames et les autres, êtes-vous prêts? Oui, je sais, parce que le masculin l'emporte sur le féminin. Et monsieur. Donc, on veut dire que depuis le début, quand je dis les autres, c'est les autres. Avant ça, je disais mesdames, mesdemoiselles, mes yeux. Alors, mes yeux, c'est messieurs. Le masculin l'emporte sur le féminin. Puis vous dites rien, les filles. Vous gardez ça comme ça? Vous ne remettez pas en question tout ça quand on. Ici au Québec, on dit ah ben écoutez, là, ma langue française, ben beau, là. Moi, les chevals qui courent dans les grelots, ben voyons donc, les chevals, veux-tu lâcher les chevals? On devrait plus se revendiquer à revoir peut-être la j'allais dire la paternité, ben non. La féminité de tous les mots. Hey, quand tu mets 8. On va en placer plus que ça. 1000 mots féminins, puis il y a un mot masculin. Le masculin l'emporte sur le féminin. Hey, entre vous et moi et la voisine, si ça fait pas partie d'un certain mépris des femmes et des filles. Je sais pas comment tu peux amener ça de même, là. Comment tu peux appeler ça? Moi, je ne dis rien. Moi, je contemple la langue française. Ça fait depuis... Écoutez, ça fait depuis Robespierre et même Villers de la Branche en 1632, lorsqu'il a travaillé sur sa structure langagière, avait quand même quelques anomalies au niveau littéraire et surtout grammatical, mais nous l'avons véritablement repris. Mais comment ça? Étiez-vous là? Non, mais quand j'ai dit « on », c'est mes frères. Hein? Mes frères, les gens qui bien sûr, gouvernaient à l'époque cette façon de travailler la langue française et de la manier pour la rendre la plus respectueuse possible. OK. Alors, tu dis que on place 1000 mots féminins et un mot masculin et le masculin l'emporte sur le féminin. Ouais, mais écoutez, monsieur, non. Est-ce que c'est ça? Eh ben oui, c'est ça, bon. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est macho? Macho. Mais mâchez mieux vos mots parce que je comprends pas. Là, vous êtes... Moi, je suis. Oui, vous êtes de... Je suis de ma belle ville de Québec. Oh, OK! OK, vous êtes Canadien? Non. Non, j'ai jamais été Canadien. Encore moins ces temps-ci parce qu'il en rame un coup. Mais non, ça, c'est là, OK. OK. Ah non, moi, je suis Québécois. Québécois, je suis Québécois, puis je vais le baver encore dans quelques jours. Je vais tout raconter l'histoire, vous allez l'entendre. J'espère de pas trop vous... Ah! Oh, on est... Hein, le combat est jamais terminé. Ah! Oh. Thank you. Ouais, c'est même brother que j'ai vu passer tantôt, là, ouais. Mais oui, mais oui, arrêtez de dire que je suis toujours à ma fenêtre, moi, là. Moi, j'ai pas de télévision, moi. J'ai juste la radio. Mais une belle radio. Je vais arrêter de brancher CKRL, mais c'est ça que j'écoute. Excusez-moi, là. J'ai pêché. Oui, je pêche. J'écoute CKRL. Oui. Mais aussi mes émissions préférées. Non, pas Errance canadienne. Non, je comprends pas ça, moi, ces affaires-là. Ah, mon Dieu. Le monsieur, il est bizarre, hein? Il dit des choses bizarres. On comprend pas tout le temps. Puis là, ma fille m'a dit, mais c'est normal, maman. C'est surréaliste. Ah ben. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que le surréalisme? Elle dit, maman, le surréalisme. On a du temps. On va glisser. Maman, le surréalisme. Avez-vous du temps, vous? Ah, moi, j'ai pas de minutes, j'ai pas de secondes, j'ai pas de minutes à consacrer. J'ai des heures. Je m'abreuve constamment à de la nouveauté et surtout à ce qui est pas classique. Ce qui touche pas dans. Tu sais, ce qui défriche. Moi, je veux que ça défriche. Je veux que ça m'étonne. Je veux que. Ça m'étonne toujours. C'est KRL. Je suis en amour. Ça m'étonne toujours. Avec CKRL. Vous tomberez en amour. C'est un peu comme Michel Legrand. Michel Legrand, il lâchait pas, lui. Hein? Hey, mon Dieu, il te la montait, il te la descendait, il te mettait des coups, il recommençait. L'ego était aussi surdimensionné que le personnage. Ah, ben, voyons donc. Mais c'est Michel Legrand. Quand tu t'appelles le grand, c'est pas le petit, tu sais. Oui, excusez-moi, moi, je suis un pianiste. Ouais, peux-tu monter le son? Parce que, ouais. Moi, je parle pas fort, moi. Parce que, moi, c'est pas parler, c'est de pianoter. Puis, je sais pas pourquoi, là, mais ma grand-mère m'a dit, parce que moi, mon nom, c'est Petit, on va t'appeler Michel, mon petit. J'ai rien contre Michel, mon petit. Mais là, j'ai dit, il y a Michel Legrand. Mais il a dit, ben, tu vas être plus petit. Mais ça veut rien dire. C'est comme le mieux. C'est-tu mieux que gagner? Gagner, je n'ai rien gagné. Mon nom, pas moi, mais celui de l'errant grenadier, l'insignifiant du dimanche à minuit. Ben, lundi à minuit, dimanche à lundi, en tout cas. Ce gars-là, il s'appelle Gagné. Y a-tu gagné quelque chose? Oui. Le privilège de parler à CKRL, ça, c'en est un, vous avez raison, je vous embrasse de partout, mais c'est pas juste ça, là. Il a rien gagné, oui, la vie, il a gagné la vie, mais il a pas gagné en tant que tel, là. Tu me comprends-tu, toi, madame, là? Tu me comprends-tu, toi? Je te comprends le mercredi, mais t'es pas à la radio. Elle va prendre un œuf. Elle-même, quand elle commence, elle fait... Puis elle tourne en rond. Un peu comme mon petit Benjo, quand il prépare à faire sa crotte. Il tourne en rond. Je sais pas pourquoi tous les pitous tournent en rond, hein? Ah oui, il me dit, swing, ah oui, non, oui, ah oui, non, oui, ah oui, non, oui, ah oui, non, oui, ah oui, ah oui, tu vas lâcher, ah oui, non, oui, oui, ding, ding, ding, ding, ça danse, ah oui, non, ça danse en rond. C'est un peu comme une danse ininterrompue, là. Puis faites-vous-en pas, là. C'est pas de la grande danse, parce que tout le temps, là, ça vire en marde. C'est de la marde. C'est de la marde. Mais, comme c'est ton pitou, tu dis bravo, bravo, bravo, comme ton enfant. Ton enfant, que t'encourages dans son petit pot. Mais moi, c'est pas un petit pot que j'ai. Mais c'est pas pour moi, c'est pour mon petit Julien. Et c'est que j'ai acheté un truc qui va sur la toilette. Et là, je l'installe. Puis là, j'y parle. Puis là, faites-vous-en pas que je fais un monde extraordinaire. Puis l'écureuil qui est resté coincé dans l'arbre et puis qui frappe dans le bois pour essayer de sortir. Hein, fait. Il frappe. Puis là, il y a plein de petits écureuils qui sont avec lui. Puis ils se mettent un au-dessus de l'autre. Puis le petit écureuil qui est en bas, il marche. Il déracine l'arbre, puis il marche partout dans la forêt parce qu'il veut sortir. Et bien, ils veulent, tout le monde veut sortir, mais celui qui est le dirigeant, celui qui regarde à travers la petite maison, là, puis qui est coincé, bien, lui, il veut aller à l'extérieur. Puis là, je raconte tout ça pendant qu'il est sur le petit bol. En fait, c'est un adaptateur, un truc que tu glisses sur ta toilette classique. C'est fait par oui. Ah non, ça vaut son pesant d'or. Oui. Ah oui, les effets sont incroyables, mais il faut que tu fasses attention. Parce que, vous savez, ce qui fait le contour de la foufoune du bébé, faut pas que tu le mettes trop grand parce qu'il peut partir avec, tomber dans la... Puis quand tu tires la chasse, il s'en va. Puis là, qu'est-ce que tu fais quand tu pars avec la toilette puis la chasse? Il reste oui, je sais que la toilette reste là, mais le petit vient de partir. Puis là, tu te dis, voyons donc, hein, toi. La DPJ va arriver chez nous, fait que là, t'es obligé d'appeler les égouts. Puis là, tu dis, hey, mon enfant, j'ai acheté. Ah non, t'as pas acheté l'affaire là, que tu mets le diaphragme selon la foufoune, puis tu pensais que la foufoune était trop petite, tu l'as mis trop grand, puis t'es tombé dedans. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, ton petit vient de passer dans le tuyau. On va regarder, OK? Là, on a des caméras un peu partout. On va vérifier. Puis ça, on va passer. Mais là, on a 18 à vérifier aujourd'hui. Tu sais, je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là, mais on est le 30 janvier. Oh, le monde est peut-être éventuel. Non, ils veulent arriver au printemps. Puis le printemps, ça dure longtemps. Tom-ti-dom-ti-dom. Hey, ça, c'est du Paul Pichet. Oh, là, c'est toi, tu t'en balances, tu vas voir ton enfant passer. Mais là, décris-moi un peu ses vêtements. Ben là, il était blanc. Mais je pense que... Ah, OK, ouais. Comme toutes les autres, c'est marron. On dit marron parce que moi, j'ai un stagiaire français. Un bon français. Tu sais, un français qui connaît son français puis qui nous casse le français avec ça. Mais, ah oh non, mais il y en a de même. Mais du coup, OK, là, on fait le coup, là, puis il va ailleurs. Et puis, lui, ce qui se passe dans son monde, là, c'est que le brun, ça n'existait pas, c'est marron. Puis, tu sais, dans ma tête, brun, ben, ça vaut pas de l'air. Ça vaut pas le marron. Et puis, il me dit souvent, toi, t'es un marron. Ah, merci. Puis là, il y a mon beau-frère qui m'a dit, c'est pas marron qu'il veut dire. Il dit, t'es un moron. Un moron, un imbécile, un cave, un sans génie, c'est toi! Ah, mon doux, bravo, merci beaucoup! Il est gentil, il m'a envoyé plein d'affaires de même. Et puis, votre bébé, il a quel âge? Il a 1 an et demi. OK, ça veut dire, on peut dire 18 mois, très facile, 18 mois, puis même, il embrasse le 19, mais là, il va embrasser, je sais pas quoi, mais on va le prendre à 18, OK? Et puis, l'adresse, parce que si on le trouve, on va vous l'envoyer. On ne lave pas, nous autres. Hein? On vous l'envoie, puis vous arrangez avec ça. Nous autres, on est juste les récupérateurs. Je voulais le dire, mais je voulais juste niaiser là-dessus, parce que ça fait rire le public. Le public, regardez, il se tord. Non, pas les stars, il se tord. Le verbe tordre. Oui. Non, c'est pas du premier groupe. C'est du troisième, je crois. Tordre. Le verbe tordre. Je me tords de douleur. Je me tords de plaisir. Je veux pas me dire là autant de choses que ça, là, mais on va vous le dire. On va vous rappeler, OK? Mais s'il n'y a pas de nouvelles, s'il vous plaît, restez calme. Un jour ou l'autre, il va passer. On va le nourrir, puis en même temps, il s'y pose dans les égouts. Il y a de la nourriture, là, ça vient de partout, là. Puis les gens, il faut vous en parler, mais quoi, 1 an et demi, je ne sais pas. Mais plus tard, il y a du monde, là, qui jette leur chou gras. Ah oui. Sincèrement, là, moi, mon petit-fils, il a déjà vu passer du pâté chinois. Oui. Très, très bon, là, très, parce que là, le petit, il n'aime pas ça, mais il jette ça dans les toilettes. Hey, les toilettes, c'est pas des poubelles, qu'on se le dise. explosion. From horizon to horizon, wrap ourselves around the distance for as long as we can hold. Somewhere a girl is singing. There is calm in the air, but there is greater calm than I can bear. Tomorrow the sun shines. Ce soir, il y a des affaires qui se passent. Emmanuel Bémer, un être tout azimut, auteur, compositeur, interprète, comédien. Nous allons l'entendre nous raconter son univers, sa vision de la vie, tout en mangeant avec moi. C'est bien, hein? À toi l'artiste! Que je resterai planté là. Tu me dis quand bailler, tu me dis quand te plaire, tu me dis quand je dois parler et comment je dois me taire. Oh ma pig Marionne. Puis tu forces la cadence, tu forces mon élégance. Je m'efforce d'être dans la danse. Tu forces ma tolérance quand je n'ai que misanthropie. Tu forces mon assurance même quand je n'ai rien compris. Oh ma Pygmalion, je suis influençable, ma Pygmalion. Tout ce qu'il y a de plus malléable, ma Pygmalion. Je suis si vulnérable, ma Pygmalion. Méfie-toi, je suis incassable. Même quand tu me sculptes corps et âme, et ça ne me déplaît pas tant que ça. Tu me travestirais en femme, que je resterai planté là. Et là, comme un gros chat. Moi j'ai toujours eu une règle d'or, hein, c'est que la liberté n'a pas de prix. C'est pour ça qu'elle coûte aussi cher. Ouais, ah ouais. Ah ouais. C'est certain que la liberté... Surtout que... Mais moi, là, pendant la COVID, là, c'est, je me suis rendu compte que on n'est pas libre. On n'a jamais été libre. Ben non. Le gouvernement peut nous faire faire n'importe quoi. Et là, ça me faisait penser un peu au livre de George Orwell, 1984. On est libre de rien. On est libre je l'ai relu. Ouais, moi aussi. Moi, je l'ai relu parce que comme tout le monde s'en prévalait, comme tout le monde le citait, comme tout le monde machin, ouais. Ça devenait un peu... Je l'ai lu dans la nouvelle traduction, d'ailleurs. Ah, pas mon nom. Moi, c'est mon livre que j'avais. Là. Le seul mot qu'ils ont gardé de l'ancienne traduction, c'est « neuf langues ». Ah ouais. Parce que... Sinon, ça devenait néo-parlé. Ou alors... Néo-parlé? Ouais. C'est pas mal, néo-parlé. Néo-parlé, ER. Ouais. Le néo-parlé, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire, néo-parlé? Bah, c'est la nouvelle langue. Ah. C'est la nouvelle façon de parler, quoi. C'est une langue inventée? Ouais. Ouais, comme dans 1984. Ok. C'est vrai que j'avais lu une citation attribuée à Goebbels. Ouais. Grande star du nazisme parmi devant l'éternel. Et c'était notre but est d'appauvrir le langage à tel point que les gens n'arriveraient plus à articuler que nos idées. Ah ouais, ouais. Et, non, c'est génial. Alors, non, mais ce qui est génial, non, mais c'est que Goebbels n'a jamais dit ça. Ah oui, on lui a fait dire des choses qu'il n'a jamais dit. Et du coup, tu es là à croire un truc que tu trouves génial, ou en plus, te démontre par A plus B que le but, c'est la paupérisation du langage. Mais c'est qui a dit ça? Ben, je ne sais pas. Ah. Il y a plein. C'est quelqu'un qui l'a dit quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, c'est très 1984 pour le coup. Mais c'est ça, mais le gouvernement nous a obligés de rester, ben pour moi parce que j'étais un travailleur essentiel, a obligé le citoyen à rester à la maison. T'étais obligé. Sinon, t'étais brimé, t'étais... T'étais puni, t'étais châtié, t'étais... Puni. Je payais. Il y avait une répression. Ben écoute, nous en fait, on a pris la voiture avec ma compagne pour aller... Et nos enfants. Ça, c'est pendant le confinement. Ouais. Écoute, en fait, c'était pas le premier jour, mais c'était la première étape de durcissement du confinement. Ouais. Mais c'était vraiment tout au début. Hein. Deuxième vague, ouais. On prend la voiture pour aller faire nos courses dans la petite coopérative locale, bio, produits locaux. Même où les mecs privilégient même les produits locaux plutôt que le bio, parce que si c'est pour bouffer des avocats du Pérou ou bio... C'est vrai. Et donc on se fait arrêter par la maréchaussée. On apprend qu'on n'a pas le droit d'être plus de deux en voiture. Donc, les gars nous disent, vous allez à l'autre bout du département faire vos courses. À l'autre bout du département, non, c'est quand même plus grand quoi, la Meurthe-et-Moselle, on sait 15 km. Quoi. Bref, on a pris 166 € d'amende, qu'on a mis des mois à recevoir en plus. C'est-à-dire que quand tu reçois le PV, tu t'en souviens plus, tu t'es dit Et là-dessus, ma compagne prend la voiture, va faire les courses. Moi, je rentre avec nos filles sur la place du marché. Et là, il y a des flics qui arrivent avec le mégaphone. Rentrez chez vous. Tu te dis, mais ça y est, on est tombé sous le coup de la loi martiale. Mais c'est vrai. C'était terrible. Mais ouais, chez nous aussi, c'est la même chose. Hein. C'était les lois des mesures de guerre. Nous, on l'a vécu en 70, les lois des mesures de guerre. Tout le monde était arrêté. Tout le monde pouvait être arrêté pour rien. Pourquoi en 70? Ben parce que c'était, on s'est, comment dire, on s'est rebiffé. On a été un peu comme mai 60 ici. Là, mai 68, ouais. Ouais, nous, ça a été en 70. Mm-hmm. On a enlevé... Pierre Laporte, qui est un politicien. Ouais. Puis on a enlevé un politicien anglais aussi. Pierre Laporte est mort. Ouais, c'est connu. Ouais. Et donc, crise d'octobre. On arrêtait tout le monde. Si tu étais dans un colloque ou une réunion gauchiste, ou si tu étais... si tu allais voir un spectacle de Pauline Julien, tu étais gauchiste. Tu pouvais être arrêté. Pauline Julien a été arrêtée. Son chum, qui était poète, qui est toujours poète, mais qui est décédé, qui est devenu ministre. Gérald Godin a été arrêté. C'est lui que je te dis. Il a eu un cancer et ce gars-là, malgré son cancer, continuait à faire de la politique. Il restait presque plus de cheveux, juste des mèches de cheveux. Il avait été opéré, donc on voyait toute la... Et il avait tous les yeux. Il était tellement, sans doute, médicamenté. Là, que ça prouve que même si tu es malade, tu peux continuer. Ce gars-là est mort. Il a vécu vraiment là, à 100%, puis il s'est jamais arrêté. Jamais arrêté. Puis bon, lui aussi s'est fait arrêter. Et on arrêtait n'importe qui, puis on fait un film qui s'appelle Les Ordres, et ça relate un peu cette histoire-là. C'est joué par Jean Lapointe, qui est un chanteur, comédien, humoriste, qui a loué pendant... pendant un mois le casino, ici à Paris. Il s'est endetté, mon ami, endetté parce qu'il avait payé pour un mois. Il est revenu pas plus connu. Chante ta chanson, c'est lui qui l'a écrite. Chante ta chanson, la connais-tu? Au moins. Les Ordres, c'est ça? C'est ouais. Un film? Oui, de Michel Brault. Et il y a une chanson qui s'appelle « Complète à mon frère » qui dit... C'était au mois d'octobre, à Saint-Joseph-d'Alma. Malgré ma vie et sobre, devait se finir là. Adieu et paix, ma mère, adieu tous mes parents. Ah oui. Voilà que je vous quitte aujourd'hui pour longtemps. Écoute mon histoire, jeune homme, y a voyagé. J'ai toujours dans mémoire d'avoir la liberté. La mort peut apparaître sans que vous l'attendiez. Avec sa main de traître, elle pourrait vous frapper. Quand on revient de vie, on est plus grand, plus fort. Et alors on se rit d'avoir eu peur de la mort. L'espoir vient de renaître, à nous de le conserver. Repousser les faux maîtres, voilà l'éternité. Repousser les faux traîtres, voilà la liberté. Génial. C'est beau, hein? Je chante bien. Hein? Comment ça s'appelle cette chanson? Complète à mon frère. Complète? Complainte. Ah, complainte. Ben, y a beaucoup de complaintes, hein? Ouais, mais là, je l'ai pris trop rapide au début, mais j'ai ralenti vers le milieu. Parce que c'est une complainte, donc c'est vraiment... C'était au mois d'octobre. Tu peux la faire de plus en plus lent. Plus c'est lent, plus c'est... Ça me fait penser à Sacco et Ronzetti. La balade de Sacco et Ronzetti. Vas-y donc. Je suis accro, tellement que je montre les dents. Je suis accro, toute canine en avant. Je suis accro, faut dire que toi aussi t'es accro. Accro, ok. Crochette les serrures de ma volonté. Quelque chose qui cloche, quelque chose qui triple croche. Y'a anguille sous roche, faut que je décroche, je suis moche. Accro et acrimonieux, je perds tout le temps au jeu. Je perds tout crédit à tes yeux. Accro et acri, je te les montre à toi les croquis. Faut te faire un dessin. C'est à toi que je les montre, les crocs, à propos, je croque. Ouh, dire. Je suis accro, tellement que je montre les dents. Je suis accro, de gagner en avant. Je suis accro, veut dire que toi aussi t'es accro. Accro, yeah. Très vite, tu mens, mais plus tu mens, courage, plus tu mens, courage, plus tu mens, courage, plus tu mens, courage, éclair, que tu manques. Que tu mens. Je suis accro, tellement que je montre les dents. Je suis accro, tellement que je montre les crocs. Je suis accro, tellement que je montre les dents. Je suis accro, tellement que je montre les crocs. Je suis accro, faut dire que toi aussi t'es accro. Accro, je suis accro, tellement que je montre les dents. Je suis accro, tellement que je montre les crocs. Je suis accro, tellement que je montre les dents. Je suis accro, tellement que je montre les crocs. Je suis accro, faut dire que toi aussi t'es accro. Okay. Je pense que mes parents, ils écoutaient ça en boucle, c'est une chanson. Est-ce que c'est John Baez qui l'a écrite? Ah ouais, oh. Ami de Bob Dylan. Ouais, c'est quand, tu sais, c'était deux... En version française? Ouais, c'était deux... qu'est-ce que je te dis, oui, mais non. c'était quoi? Je suis d'accord. Ok, c'est ça. En fait, c'était deux Américains qui étaient accusés d'être communistes, qui ont été passés par le fil de l'épée, enfin passés sur la chaise électrique, comme les Américains savaient faire en ouais. De ton trois mouvements, mais c'était la chasse aux sorcières. Et je suis quasiment persuadé que mes parents devaient écouter... Il devait alterner ces deux chansons-là et après, la mélodie, c'est un peu similaire. C'est comme Leonard Cohen, le paysan. Le partisan? Le chant du partisan. Ouf, hein? Chanson française. Oui, mais lui, il l'a fait en anglais puis il fait un petit refrain en français. Ouais. Ah, trois ou quatre couplets en, c'est bon, hein? En français. Mais tain, c'est marrant que tu me parles de cette chanson parce que je l'ai chantée dans l'impossible anthologie de la chanson française, tu sais, où je reprenais plein de chansons. Oui, on s'en est parlé, oui. Les étrangères. Et parce que j'ai eu rendez-vous aux éditions Raoul Breton, l'unique. Oui. Et le directeur, qui était à l'époque, il devait être plus jeune que moi, il avait un piercing dans le nez, je trouvais ça complètement fun, tu vois, les éditions Raoul Breton, c'est traîné à Aznavour, Barbara, et lui, Ouais. On pouvait fumer dans son bureau à l'époque, sauf qu'il fumait que les jours où il ne boxait pas. C'est-à-dire qu'il s'était passionné pour la boxe française, ou anglaise, remarque, je ne sais pas. Et ces jours-là, il ne fumait pas. Donc en fait, quand je prenais rendez-vous avec lui, il aurait fallu que je lui dise « Est-ce que tu ne fais pas de boxe aujourd'hui qu'on puisse t'orailler dans ton bureau, comme disent les Suisses ?» Et il me dit « Ton spectacle, il est bien là, mais il faudrait que tu rajoutes quelques... Pour qu'on puisse t'aider, il faudrait que tu rajoutes quelques chansons du catalogue. » Évidemment, moi en grand incorruptible, je lui dis, c'est hors de question Laurent. Et puis le lendemain matin à 9h, je dis bien sûr que oui. Parce que j'ai un copain manager d'Alexis HK, qui joue au tennis, qui m'avait dit, Laurent, il va te proposer d'ajouter des chansons du répertoire de Raoul Breton. Je te dis oui. Ah ouais, okay. Alors, c'est bon. J'ai fait mon irrédentiste. Non mais tu le savais déjà, donc t'avais préparé. Ouais. Et il me demande d'ajouter le Partisan. Ah ouais. Qui est dans leur catalogue et en fait je savais pas du tout, c'est une chanson de résistance. Mais c'est pas de Leonard Cohen, hein? Non, c'est une vraie chanson française qui a été écrite par Mais la mélodie de Leonard Cohen, hein? Eh ben non. Ah non, si. Oui, hein. Si, parce que elle était beaucoup plus rapide et c'est vrai que la mélodie entre la première version d'Anna Marley, ça n'a pas grand chose à voir, mais ça a été adapté en anglais par un Turc qui a un nom improbable, mais tout est dingue avec cette chanson. Et la première fois qu'elle passe, c'est sur la BBC. Okay. C'est Radio Londres. Oui. C'est-à-dire que les paroles sont écrites par un mec qui s'appelle Emmanuel Dastier de la Vigerie. Hey, t'as passé à côté, Emmanuel, ça commence à partir. Ouais. Deux particules, le mec, c'est un grand résistant. Mais vraisemblablement, ça a été écrit en Angleterre parce que. Et c'est assez dingue. Et c'est vrai que dans les paroles françaises, elle dit nous retournerons à l'ombre. Quoi. Nous venons de l'ombre, nous retournerons à l'armée des ombres. Quoi, la résistance. J'ai les cheveux qui se dressent sur tout mon corps. Est-ce que tu connais? Les chansons sont plus fortes que les armes. Oh, oui. Et c'est comme dans l'affiche. Full Metal Jacket, hein, c'est le casque du militaire avec une fleur qui pousse. Ouais. Hein. Gaston Couté, est-ce que ça t'interpelle? Ouais. Mais je connais pas très bien, mais j'ai un copain qui avait un spectacle de ses chansons. Il paraît que c'est super. Ouais. Non, un amas d'enfants. un lâcher d'enfants. C'est ça. Ok, ouais, et puis tu connais à travers ton copain, c'est ça? Ouais. Mais c'est super intéressant. Ça a bien vieilli. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'en France, on n'est pas très. Passé. On n'est pas très branché sur ce patrimoine. Ah ouais? Ben moi, c'est Colette Magny qui me l'a fait connaître. Ouais. À travers certains artistes, hein, tu peux zigzaguer. J'ai une copine dont la maman avait fait les chœurs pour Colette Magny. Ah oui? Je la regardais, mais j'avais l'impression que elle s'appelait comment? Elle avait un nom génial, elle était d'origine espagnole. Bah, elle est morte depuis et c'est sa fille aussi. Plus sa fille, on a appris qu'elle faisait des attouchements sur ses enfants. Donc, qui se l'a fait? Ben, la mère? La fille de la mère qui a fait les chœurs pour Colette. La fille de la mère? Ah ben là, ça vient de loin. Là. Oui, ça va. Non, mais c'est pas elle. Mais non, mais ça te souille quand même la mémoire d'un mort. C'est horrible, parce que moi, j'ai des super souvenirs. Ouais, mais la choriste, elle touchait ses enfants? Non, sa fille. Sa fille a fait ça avec ses propres enfants. Ben oui, mais ça n'a rien à voir. Ah non, non, ça n'a rien à voir avec Nicolette, ni... Non, non, je sais pas pourquoi je te dis ça, d'ailleurs. Ok. C'est bien passé, monsieur. Oui. Très, très bien. Ok, non, non, ça c'est le côté... Ah non, mais ça va marquer. Je vous laisse des frites. Pardon? Allez. Vous voulez un dessert ou un café? Non, merci. Moi, je veux bien un café, s'il vous plaît. Ah, toi, tu carbures au café encore. Hein. Moi, là, c'est ma dernière addiction. Non, mais moi, j'aurais continué l'alcool, mais arrêté le café. Ouais, mais... Et quand tu fais, quand t'arrêtes, est-ce que tu recommences à un moment donné? Ah non. C'est un arrêt final? Ah, je suis trop binaire, moi. Ah ben, bah, ça fait des mois et des... pas beaucoup d'années, mais quand même 22 ans que je me dis, est-ce que je ne reboirais pas bien un petit coup, un de ces quatre? Ouais, mais tu sais, un bon repas sans vin, c'est quand même... Tu sais, là, je me serais pris un petit vin, mais j'ai dit non. Tu bois pas, j'ai dit non. Mais tu pouvais. Non. Mais tu trouves pas ça difficile? Pas de vin? Ben, non. Non, mais... Tu vois ce grand philosophe qui s'appelait Gilles Deleuze? Oui, ben oui. L'ABCDR, qui était hyper connu. Il s'est suicidé, hein, Gilles Deleuze. Ouais. Ben, il s'est suicidé parce qu'il était bien diminué et il sentait que... Ah non, je pensais que c'était à cause de ce qu'il avait écrit. Tout le monde le... Oui, il était très malade et il supportait pas de dépérir, surtout intellectuellement. OK. Ben, dans son ABCDR, le B, c'est boisson. OK. Il a dit, j'ai arrêté de boire le jour où j'ai senti que ça m'empêchait de travailler. Que je travaillais un peu moins bien, un peu moins vite, un peu moins tôt. Oh, ok. Et mais je me sens bien depuis que j'ai arrêté de boire, c'est un truc de fou. Il n'y a pas un jour où je me dis pas, ah ouais. Mais parce qu'on sous-estime la répercussion que ça peut avoir dans tout dans ta vie. Une fois, je vais chez le boucher. Tu buvais beaucoup? Mais non. C'est ça qui est terrible. C'est que j'ai pas eu de descente aux enfers. Ok, ben j'ai pas été en cure. J'ai vu beaucoup d'addictos, j'ai eu une infirmière géniale. À chaque fois, je pense à Nick Cave et Leonard Cohen parce que c'est mon infirmière, donc c'est ma nurse. Ouais, ouais. Et à côté Peter Pan aussi, la nurse, la nurserie. mais ouais, non, j'avais plein de garde-fous. Comme je savais que j'adorais picoler, ben, je buvais jamais la journée, je buvais jamais avant 6 heures. Mais alors là, laisse tomber, je lâchais les chevaux, quoi. À 18h, tu commençais. Ouais, c'est ça, à 18h15, j'avais bu 2 pintes. Ok. 3 pintes, 4 pintes. Ok, tu buvais tous les jours. Bon. Oui. Ouais, bah je me forçais à boire. À pas boire. Ok. Pendant je me forçais à jour, boire. 2 jours, 3 jours. Ok. Ouais, je pense qu'à un moment, tu te forces à boire parce que ça t'inquiète de pas boire. Ouais. Mais trouves-tu. Tu me disais aller en thérapie, tout ça. Trouves-tu que l'être humain peut s'en sortir sans thérapie? Je crois que oui. Pourquoi toujours des thérapies? On est capable. Ben ouais, t'as raison. C'est encore des constructions sociétales qui te... Ouais, c'est ça. C'est une obligation. Si tu veux t'en sortir, on doit t'aider. Mais tu peux t'aider toi-même. Ouais, après, j'ai jamais été addict à l'héroïne non plus, quoi. Je pense que mais là, l'héroïne, c'est une... Ouais, ben là... Après, l'alcool, c'est terrible parce que c'est une drogue sociale, quoi. Ouais. T'auras toujours quelqu'un... Tu sais, on a essayé de faire un dry January il y a 2 ans. Il y a 3 ans. Hein? Un dry January. En version française, c'est? Un janvier sec. Ok, un janvier sec, ok. Ah oui, mais disons, c'est le mois de février. Nous, c'est après les fêtes. Et vous dites comment, alors? Ben, c'est boire sans... C'est, un mois sans alcool? Ouais, un mois sans alcool, ouais. Ben, ils ont essayé en France, ben, t'imagines. Je veux dire, t'as eu une levée de bouclier de... Bon gré, malgré tout ce que tu m'as fait, j'aurai toujours un endroit où me recueillir. La tombe de ton souvenir, ton souvenir. Ton souvenir inhumain exhumé. Le test d'ADN n'aura pas révélé la moitié de la haine que je te vouerai, que je t'avouerai. Qu'à tout jamais, je t'avouerai. Qu'à tout jamais, je t'avouerai, je te vouerai. Bon an, mal an, contreusement, heureusement je ne t'ai pas laissé le temps de me faire un enfant, de me faire un enfant. Et un enfant tout petit, tout freluqué, que je prendrai dans mes bras fluets, à qui j'apprendrai à se tenir sur ses gardes et sur ses pieds. Mais il n'est pas d'enfant sur terre, non, il n'est pas d'enfant sur terre qui ne mériterait que tu ne sois sa mère. sur ta crasse. Un lieu bien dégueulasse, je suis dégueu, je lave, hélas. Mon gré, ma gré, les avions, les divisions. J'aurai toujours un gouffre sans fond. Tout déposé, des tristes déjections, la quatrième dimension. Quand je pense à cette absence, moi je crois à ton existence. Bon gré, ma gré, tout ce que tu m'as fait, j'aurai toujours cet endroit où me recueillir. La tombe de ton souvenir, ton souvenir. Ça fonctionne plus chez vous, hein? Ben ça marche pas parce que la France, c'est le pinard. Ce que dit Renaud dans l'Hexagone, leur pinard et leur camembert, c'est ouais. Leur seule gloire à cette tarée. Ouais. Ah, quelle belle chanson, hein? Ouais. 5 minutes de cake, là, mais. Ouais. Bah, 12 couplets et puis. Mais tu sais, comme si 5 minutes c'était trop pour une chanson. Ouais. On est encore chronométré, radio c'est 3h30. Et puis, elle a très, quand même très très bien vieilli. Oui. Tout ce qu'il dit est toujours désespérément d'actualité. Est-ce que tu connais Bertrand Soulier? Mais c'est un copain, Bertrand Soulier. Ouais, mais la chanson 3h30. La connais-tu, sa chanson 3h30? Ça me dit quelque chose, Réécoute ça, piano, voix, là, c'est sur YouTube, là. Hallucinant. 3h30 pour plaire aux radios. 3h30. C'est... Quel homme! Moi, je l'ai rencontré, hein. Là, je devais le revoir parce qu'il travaillait sur un projet à Gainsbourg, là. Je sais pas je l'ai oublié, Mais l'année prochaine, c'est certain que je vais le rencontrer. Ah, c'est un ami à toi? Eh ben, ouais. Enfin, on s'est beaucoup croisés quand j'étais parisien, mais... Tu travaillais dans la publicité aussi. Ouais. Mais tu sais que la légende, alors... À vérifier, hein, mais la légende raconte... Quand même, légende bien vérifiée, hein, mais... En fait, quand Charles Cros synthétise le premier système de fixation des 78 tours, je crois, et bien, au bout de 3 minutes 30, la machine chauffe. Okay. Et la machine explose. Okay. Et là, tu perds des centaines de milliers de francs. Ah, c'est fou. Alors, c'est pas tant une histoire de seuil de saturation, de l'écoute, de concentration que... C'est juste la technique. Bah ouais. La technicité. T'écoutes des morceaux de... Je sais pas, t'écoutes des morceaux d'Henri Tachant ou des morceaux des Doors qui font 14 minutes. Ah, mais tu me fais rire parce que là, Henri Tachant et les Doors. Henri Tachant n'a rien à voir avec les Doors. Dans la même phrase, le mariage de la carte et Non, mais parce que je cherchais des exemples. Ah, j'adore Tachant. Ah ouais, c'est génial. Ou de Léo Ferré, il y a des chansons. Il y a une chanson de Léo Ferré, 28 minutes. C'est la merde, ouais. Mais pourquoi? J'adore Ferré. Ben oui. J'ai mis longtemps. Mais après, Ferré, il faut vraiment trouver le sésame. Ouais, la fille d'Ariane, ouais. Ouais, moi quand je... Enfin, pour je... Moi quand je découvre Dominique... Ah, d'ailleurs, souvent, le sésame, c'est une reprise, hein. Je regarde Jeff Buckley sans son Alléluia, pas sûr, hein. Ouais. Et ça se serait fait, mais... c'est l'interprétation, c'est aussi. Le sésame, quoi. C'est l'interprétation. Moi, à l'époque, je travaillais à Metz, dans l'Est de la France. Et j'entends « Je t'ai toujours aimé », repris par Dominique A, qui passait sur FIP. Et FIP, à l'époque, il fallait les appeler pour savoir ce qui passait. C'était génial, ça marchait du feu de Dieu. Kazam n'existait pas, c'était bien. Ouais. Et c'était Dominique A, et c'était une reprise de je sais plus quel groupe. Mais c'était pas de lui. Mais il faut un sésame, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément une reprise, hein, mais ça aide. Parce que le chemin, il est déjà fait. Ouais. Moi, quand je chante... J'ai adapté dans l'impossible anthologie de la chanson française, j'ai traduit My Way. J'ai rendu dans le spectacle, je dis j'ai rendu. Mais c'est comme d'habitude, la première version c'est française. Bien sûr. Ouais. Mais là, tu demandes à des gens dans la rue, ils vont parler de Sinatra, ils vont. C'est vrai. Mais Elvis l'a repris aussi My Way. Ah ouais. Et puis en do. En fait, Sinatra il la chante en ré. C'est une espèce. Moi je trouve pas du tout que c'est The Voice. Mais puis Elvis, c'est génial parce qu'il est gros, il a des énormes roues. Ah, mais ça, c'est à la fin, en 77. À la fin de sa vie. Ouais. En fin de sa vie, à 40 ans, c'est fou. Dans son corps, non, mais c'est fou de dire que c'est à la fin de sa vie, il y a 47 ans. Ouais. C'est fou de dire ça. Ouais, vas-y, ouais. Eh bien, dans le spectacle, il faut que je retrouve, il faut rendre à Franck, il faut rendre à Elvis. Putain, je ne retrouverai pas. Ouais. Il faut rendre à Franck ce qui était Elvis. Enfin, j'alterne les trucs comme ça et je finis par. Et à Paul, parce que c'est Paul Anka qui a adapté. Oui, et à Paul ce qui est en emploi. À François, à Paul François, Claude François, enfin bref, c'est un jeu de mots. Ben Claude, oui, ben c'est excellent. Parce que Pôle emploi, c'est, ben, tu sais, c'est les, oui. C'est Pôle emploi. Quoi. C'est ça. Mais j'ai écouté, et depuis ce temps-là, documentaire sur Claude François, et c'est une merde. C'est une merde. Ouais, ouais. Lui. Lui. Je pense que c'est un fiefé salaud. Oui. Je pense que là, à l'époque du MeToo, c'est épouvantable. Savais-tu qu'il avait lancé une revue porno? Oui. Ça, ils le disent pas dans les biopics, mais... Les gamines et des mineurs se trouvaient là-dedans. C'est complètement fou. Hey, Charlotte Forever, c'est un gag, là. L'amour qu'on ne croit jamais ensemble. Oui. Il n'a pas dit l'amour. Il y avait un seul café. Oui. Hey, tu sais, Gainsbourg, il dit pas que c'est qu'il voudrait baiser sa fille. Il dit l'amour que l'on ne croit jamais ensemble. Lui, Claude François, il les a baisés. Ouais. Mais parce que de toute façon, il avait tellement toutes les femmes à ses pieds. Moi, j'ai un copain qui était d'ailleurs... Est-ce qu'il y a des femmes qui voulaient, lui, c'est des enfants? Ben oui, c'est ça. Et il y a un copain qui soutenait Mordicus que Claude François ne s'était jamais électrocuté dans sa baignoire. On avait ramené le corps, on l'a retrouvé dans le bois de Vincennes, oui, avec une bouteille dans le baba. Ouais. Parce que, bah, évidemment, bah, quand tu as toutes les femmes du monde, bah, à un moment tu tapes des enfants, tu tapes peut-être des hommes et des transsexuels et des machins. Et qu'il se serait retrouvé dans le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne. J'adore ça. Comme Elvis est jamais mort, il est sur une île avec Marilyn Monroe. Avec Rimbaud, Morrison. Mais c'est vrai que Jim Morrison, paraît-il qu'il n'est pas mort dans son bain. Il est mort dans un bar. Il est mort d'overdose. Ouais. Mais l'histoire veut qu'il est mort dans son bain et sa copine de l'époque l'a découvert à Paris. Puis il paraît aussi que le corps de Jim Morrison n'est plus au Père-Lachaise. Ah ouais. Ils l'ont transporté aux États-Unis. Ah oui, ça j'ai entendu. Mais ça c'est génial, ça c'est les Doors. Non mais les gens vont pleurer, mais il n'est même plus là. Ouais. Il doit rester quand même quelques miettes là. Ouais. Et genre on va laisser un bras, puis on amène le reste. C'est épouvantable. Mais c'est quand même. C'est assez passionnant. Moi tu sais que je pense pas que j'aurais essayé de devenir chanteur sans Jim Morrison. Ah ouais? Tu mets une jupe, t'es une pute, tu mets un flip, t'es une slip, tu mets un perf, t'es un mec, un caraco, t'es une bimbo, un short léopard, une cougar, un décolleté, une tasse. Tu mets un jogging, t'es une huile, tu mets un jean, t'es une huile, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine. Tu mets un tutu, t'es une selfie, tu mets un sarouel, t'es une pucelle, tu mets des Santiago, tu sens le gaz, des linastases, une grenade. Tu mets une culotte, t'es une salope, pas de culotte, t'es une salope. Tu mets un soutif, t'es une bitch, pas de soutif, t'es une bitch. T'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine. Tu mets du noir, t'es gothique, une polaire, une vieille rombière, un taille basse, une chaudasse, un tanga, t'es une kaira, un string, t'es bling bling, un piercing, t'es bling bling. Tu mets un jean, t'es une huile, tu mets un jogging, t'es une huile. T'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine. Ouah, ouah, ouah, ouah, ah, para, pa, para. Ouah, ouah, ouah, ouah, ah, para, pa, para. Je te fais pas l'article sur les bijoux, je te fais pas de couplet sur les bracelets, je te fais pas de refrain sur le boubou, mais je te fais une chute sur les colliers. T'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine. Les colliers comme on met aux chiens, les boucles d'oreilles comme des boucliers. Est-ce que des boucles c'est pour la bouclée sur l'oreiller. Et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. T'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine. Alors je mets mes charentaises, je reste à côté des braises. Chez moi, y'a personne qui me perd, qui me sonne. Chez moi, y'a son père qui me sonne, qui me perd. Soit, en charentaise, je suis bien à l'aise, je peux même aller aux fraises. Chez moi, y'a personne qui me perd, qui me sonne. Chez moi, y'a son père qui me sonne, qui me perd. Soit, oh oh oh, si je m'en mitoufle dans mes moufles, ces maroufles vont dire que je me camoufle. Je reste chez moi en pantoufle et je souffle, je pouffe, je suis peut-être une pouffe. Ces maroufles vont chercher la mistoufle. Je reste chez moi en pantoufle, y'a personne qui me perd, qui me sonne. Chez moi, y'a son père qui me sonne, qui me perd. Soit, oh oh oh, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine. Alors à tous ces louvoiements je mets fin. Alors je mets mon 501, celui qui me fait un vache de popotin. Et ma chemise de de bûcheron canadien. Alors je mets ma chemise au-dessus pour pas trop qu'on le voie ce cul. Et mes loups potins à 10 000. Et là, est-ce que je suis assez féminine? Oh, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine, t'es pas assez féminine. Personne qui me perd, qui me sonne, y'a son père qui me sonne, qui me perd, soit. Sauf que bah, j'ai eu pendant 15 ans les cheveux jusque-là, je marchais comme lui, je parlais comme lui. Ça c'est avant le film là. Eh ben c'est quand j'ai vu le film. Okay. T'étais ado quand t'as vu le film? Ouais, le film est sorti, j'avais 14 ans et. Hey, t'es jeune? Tombé, quoi. J'étais Jim Morrison quoi. Ah, ouais. J'étais plus Jim Morrison que lui-même. Ah oui, oui, oui. Jim n'était que sa double. Ouais, j'ai mis très longtemps, j'en ai eu énormément voulu. Oui, exactement, Jim n'était que sa double. Mais ce qu'on disait aussi, c'est que Jim Morrison avait copié sur Rimbaud, hein, souvent. Oui. J'ai même un livre, là, Rimbaud, puis texte de Jim Morrison. Et tu sais quand... Ben, il est mort en France, évidemment, mais c'est marrant, je suis passé rue Beautreilly où il est mort. Ah, tu me parles de la baignoire et tout. Ouais, ouais. La baignoire aussi, c'est parce que les gens qui font une overdose, on les met dans l'eau pour les réanimer. Donc, et puis on sait qu'à l'époque, il était... on sait que sa femme était une junkie notoire, ouais. Et qu'il traînait avec un comte français. Après, ce qui est surréaliste, c'est qu'il n'y a jamais eu d'autopsie. Ça, c'est quand même étonnant. Et... Non, mais on n'est pas obligé d'avoir une autopsie si on veut pas. Non, mais on nous il faut juste qu'il y ait un soupçon de... Est-ce qu'il l'a d'abord... Oh, un café. Vous êtes parti le torréfier au Guatemala. Merci beaucoup. Et moi, quand j'étais... quand j'étais ado, justement... Allez, c'est du miel. Mon biberon, ouais. Ah, c'est bon. C'est du, miel, du miel bio. Non, mais tu sors jamais sans ton miel. Je ne sors jamais sans mon miel. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que je suis obsédé par mon poids, comme tous les chanteurs. Ouais. Parce que c'est du sucre naturel qui s'élimine plus vite. Et comme je bois énormément de café... C'est vrai que tu bois du café, ça n'a pas de bon sens. Si je mets du sucre, ça n'a pas de bon sens. Et bah, quand j'avais les cheveux longs et cet âge-là à peu près, j'allais religieusement, mais on faisait des pèlerinages sur la tombe d'Arthur Rimbaud, parce que c'est à quelques centaines de kilomètres ouais. de chez moi, ouais. en l'est de la France. Eh bien, je suis tombé sur des manuscrits, les vrais manuscrits, tu vois, notamment de la lettre du voyant. Oui. Mais pourquoi la vraie, comme s'il y avait des... il y en a pas de fausses? Ah oui. Oui, non mais bien sûr. Non mais parce que souvent on te parle de manuscrits, en fait c'est des reproductions de machin, mais là tu tombes. Ok, non. Ok, sur l'original. Oui, non mais t'as raison, okay. En le disant je me suis dit t'es con, okay. Un manuscrit. Non. Un manuscrit original, ouais. La lettre du voyant où il développe toute sa poétique, on a appelé la lettre du voyant après, c'est juste... une lettre qu'il écrit à son professeur de français. Parce que le professeur de français a bien compris qu'il écrivait quand même trop bien les alexandrins, pour que ce soit honnête. Il développe toute sa poétique. Il dit, c'est là qu'il dit « je est une autre ».« Je est un autre », pardon. « Je », ok. « Je est un autre ». Ouais, ouais, parce qu'il dit en fait « je suis pluriel, je suis légion, je suis noir de monde », comme disait Bachung. Et j'arrive au musée, il y a un livre d'or. Ouais. Ouais. Et il y a une citation de Morrison, je me demande s'il, qui était reproduite d'ailleurs avec l'écriture de Morrison, où il dit « Le jour où j'ai lu Rimbaud, ça a changé ma vie ». Ça, c'est Jim Morrison qui disait ça? Au musée Rimbaud, ouais, ouais, Jim Morrison. Donc, je suis d'accord avec vous, Rénal. Sur quoi? Non, mais sur quel sujet? Sur le fait que tu dis que Morrison, c'est Rimbaud. Et ah, oui. T'as carrément un livre qui font... Oui. Communiquer. Ça, c'est sorti il y a à peu près 15 ans. Après, la poésie de Morrison, faut quand même, tu me diras, celle de Rimbaud aussi. Non, mais j'adore Morrison aussi, l'écriture de Morrison. Mmh. Mais non, mais il y a quand même des poèmes tout le monde est inspiré tu ne savais pas sous quoi il était. Hein. Oh. Ben, c'est bien aussi. C'est, ben, bien. C'est quand même le troisième monument le plus visité de Paris. La tombe de Jim Morrison? Ouais. Ah ouais. Oh. C'est quand même fou. Oh. La tour Eiffel, ça c'est certain. L'Arc de Triomphe, sans doute, voilà. Puis Jim Morrison. Alors, est-ce que c'est le Père Lachaise? C'est peut-être le Père Lachaise. Mais moi, à l'époque... C'est le Père Lachaise, mais c'est pas Jim Morrison. Ben ouais, mais quand tu penses à tous les Américains qui viennent à Paris, ouais. Encore maintenant. Ouais, ça, ouais. Moi, j'ai un copain, j'écoutais des... dans les années 95, ils ont sorti un box set, ils appelaient ça un box set, un truc de 4 albums des Doors, oui, oui, avec oui. tous les fonds de tiroir, ah, oui, oui. comme les maisons de disques savent faire. Et je le faisais écouter à un de mes ingénieurs du son, on allait jouer en Suisse pour... ça nous coûtait plus cher d'y aller que... Quel le spectacle. Mais bon, en Suisse, il y a tellement d'argent que tu ne sais pas pourquoi tu fais 3 dates, tu reviens, putain, il y a des personnes dans la salle, on a plein de sous. Ça coûte tellement cher. Ils s'en foutent les Suisses. Ouais. Et j'écoutais ces fonds de tiroir, là, je les avais mis sur une cassette, et ils étaient morts de rire, ils disaient, mais ça joue pas en place, quoi. Les mecs, ils sont tellement chargés. Après, c'est pas pour rien que les trucs ont mis 30 ans à sortir, tu vois, c'est ouais. qu'il y a bien une fausse note, il y a bien... Mais enfin, c'est pas grave. Il n'y a pas de fausse note, mais... Non. Non, mais c'est pas grave. Ouais, non, c'est pas grave du tout. Non, mais je veux dire, pour un amateur, tu veux tout, même le moins bon. Ouais, ouais. Ah ouais, et là, il y a des... Il faudra que tu écoutes sur, sur Spotify, tous ces trucs-là. Il y a des prises alternatives. Oh, je l'ai le disque. Je sais pas si t'as déjà écouté toutes les prises alternatives de Changeling, une chanson qui est sur le dernier album des Doors, qui est une de mes chansons préférées. Oui. Et putain, tu te dis, mais en fait, comment il a fait pour en mettre une dans la cible, quoi? Comment ils ont fait pour sortir l'album? Parce qu'ils sont tous, mais oh, il est complètement bourré, ça chante pas, ça, c'est vite. Mais c'est pas grave. Mais il n'y a pas de... En plus, c'était les années 70, c'était normal. C'est normal. Hey, tu sais le moustique bizarre, là, de Joe Dassin, là? Ouais. Ben, c'est une chanson de Jim Morrison. L'as-tu entendu en anglais? Non. C'est le même rythme, hein? C'est Jim Morrison qui chante. C'est vrai qu'il avait des airs. Joe Dassin avec ses cheveux longs. Je note, Renal. Mais je sais pas comment il l'a appelé en anglais. Jim Morrison, le moustique. Tu sais, retourne chez toi. Mais je suis tombé là-dessus, moi, sur la Savoie. J'ai encore le doute, là. Est-ce qu'on m'a fait croire que c'était ça? Parce que sur le... Quand tu regardes, on te dit que c'est Jim Morrison. Mais tu trouves que ça n'a pas la voix de Jim Morrison. Ah ouais. Mais bon. Incroyable. Ouais. J'ai trouvé ça louche, mais bon, en tout cas. Peu importe. Elle existe en anglais. Je crois, à l'origine, c'est en anglais, puis ils l'ont traduite en français. Mais elle fait penser à quelle chanson, alors, de Morrison? À rien. Hein? À rien. C'est une chanson rythmée, puis un peu talent gay, tu sais, gay. Ouais. Mais normalement, c'est quelque chose de... Mais Janis Joplin aussi était... Moi, je l'ai trouvé génial, cette femme-là. Ah, c'est bon, j'ai regardé un film de... Merde, de Samuel Benchetrit. Ah oh, oui, avec... Janis et John. Oui, avec Trintignant. Avec Trintignant et... C'est son dernier, ou avant-dernier, avant ça. Ben ouais, c'est un de ses derniers, ouais. Ouais. C'est pas très bon, mais c'est drôle. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je regarde ça pour le côté posthume aussi. Oui. Mais elle a joué dans un film de Chabrol extraordinaire. Elle fait une alcoolique dans... C'est un nom de femme. Je ne sais plus le titre, mais c'est un nom de femme. Comme Manon, quelque chose de genre. Ouais. Oui. Très, très bien. Marie Trintignant. Ouais, c'est son père l'a enfin rejoint. Oui, ben oui, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Mais ça l'a tué, c'est le cas de le dire. Hein. Ah ouais. La mort de sa fille, là, ça... Oui, c'est de sordide. Oui, oui. Je sais que Quanta, sa première version, c'est quand même qu'il était à jeun, qu'il n'était pas bourré, qu'il n'avait pas pris de drogue. Et... Donc, il a lu le droit lituanien et s'est rendu compte que c'était circonstance atténuante quand tu battais ta femme comme plâtre ou quand... Ah, ouais, ouais, ouais. D'être sous l'emprise de stupéfiants. Oh, alors j'avais pris de l'MDMA, de l'ecstasy. Ouais, ouais, ouais, ouais, c'est parce que pour dire que t'étais plus toi-même. Ouais, ouais, t'étais ouais. Plus toi-même. Mais là, il y a une loi qui est passée au Québec il y a 3 semaines. Mm-hmm. Et le fait d'être plus soi-même n'est pas. Ne peut pas diminuer le fait que t'as tué quelqu'un quand même. Ah, ouais, ben c'est bien. Des boules, je tourne du cul. Ouais. Toujours dans la séduction. Ma meilleure arme, l'ambigu, toujours en représentation. Sourire à gogo et révérence à outrance. Encore de pour mes 12 égaux, de pour le conquistador. Je guéris les cons, je conquiers à mort le conquistador. bajo l'air. Et en a de Bordeaux. L'œil fier, la mine sévère. Attention, me voilà, cuit d'ado. Y'a tous les regards tournés vers moi. Je monopolise l'attention. Chute, taisez-vous, restez quoi? Quoi? Ne parlez que de mes passions. Je guéris les cons, je conquiers à mort. Le conquistador, faut que je conquière que tu m'adores. Et partout où je me la ramène, ouais, c'est comme si je rentre dans une arène. Et puis de moi, et même un but. Tout m'est un peu comme un dû. Il faut que tu rougisses. Et il faut que je conquisse. Excusez-moi, monsieur, on dit que je conquiers. Il faut que tu me mates mort. Mates mort, que je te conquière et que tu m'adores. Tout ça parce que j'ai eu trop d'amour dans mon enfance. Ça doit être ça qui me déboussole. Trop d'amour dans mon enfance. Pas un qui me console. Un jour j'ai même conquis une gitane un peu sorcière. C'était comme un défi, comme un défi à mon sexe à pile de guerrière. Et j'y suis parvenu sans escarmouche. J'ai fait mouche, je l'ai envoûté. Belle manouche n'a pas manqué de se venger. Elle avait compris ma plus grande hantise, a jeté un sort au conquistador. Oh, ma crainte la plus incoercible, ce n'est même pas la mort. Elle avait compris ma plus grande hantise, a jeté un sort au conquistador. Oh, ma crainte la plus incoercible, la gitane m'a rendu invisible. Non, tout m'est pas ça invisible, non, regardez-moi invisible, non, tout m'est pas ça invisible, non, invisible. Alors, parce que quand tu bois, ok, t'as la notion que oui, tu bois, tu diminues toutes tes facultés, ouais. Et si tu continues à boire, tu dois être conscient que si tu supportes mal la boisson, c'est ce qui roule la drogue ou tout ça, ça peut être un cocktail Molotov. Alors, il n'y a pas, à partir de, y a, ben, je ne sais pas si ça a été, non, mais il faut aussi que ça se rende au Sénat, c'est vrai, une fois que c'est rendu au Sénat, c'est, ouais. Mais bon, au moins, la phrase a été lancée, c'est pas parce que tu prends de l'alcool et de la drogue que tu peux tuer tout le monde. Ah, ça paraît tellement évident. Oui, ben oui. Ben oui. Mais en même temps, je trouve ça hallucinant que ce gars-là n'ait plus le droit de chanter. Ça, je trouve ça hallucinant. Ah, c'est compliqué. Hein. Oui, mais je trouve ça hallucinant. Ça suscite mais... toujours les polémiques, les passions. Oui, mais une chose qu'il ne faut pas oublier, là, OK? Si on suit cette idée-là, que bon, ouais, c'est vrai qu'il l'a tué, qu'il a fait de la prison, il a payé pour ça. Je sais que ça a été. 8 ans, c'est pas beaucoup. Hein? 8 ans, c'est pas beaucoup pour avoir tué quelqu'un. Ouais. Bon, mais il était à la bonne place. Pour ouais. Tuer... Mais. Mais si on regarde ça comme ça, pourquoi il faudrait arrêter d'écouter James Brown parce qu'il battait ses femmes? Ouais. Il faudrait arrêter d'écouter Michael Jackson parce qu'il aimait les enfants. Mmh. Faudrait, à un moment donné, ça n'a plus d'allure. Là. Il paraît que Chaplin aussi, tu vois. Oui, mais vie publique. Non, tu ne regardes plus rien, quoi. Non, non, mais c'est ça, mais ta vie privée, c'est ta vie privée. Ta vie artistique, c'est ta vie artistique. Et puis à l'époque, Rimbaud, Verlaine, tu vois, l'homosexualité n'est ouais. Pas dépénalisée. Non, donc, non. Alan Turing, ça ne marche plus. Ouais, Alan Turing, non, il faut que les nazis aient gagné parce qu'il a décrypté Enigma. Puis non, mais c'est fou, hein. Non, non, mais c'est complètement. C'est mais si tu vois ça de même, écoute, on n'écoutera plus personne parce qu'on va se rendre compte que l'autre a peut-être tué quelqu'un sans, dans un... Il roulait, puis il a tué quelqu'un, puis bon, on ne l'écoutera plus parce que... Ben, voyons, non, c'est quoi... Moi, j'ai quand même beaucoup de mal à écouter Noir Désir, même si... Mais tu l'aimais avant? Avant, j'aimais beaucoup. Même maintenant, hein, je trouve que c'est le meilleur groupe de rock français avec Téléphone. Hein, mais... Ouais, c'est mieux que Téléphone. Ouais. J'ai regardé un peu par curiosité... Les insus au Stade de France, c'est gratuit sur YouTube. Ok. Enfin, le prix était quand même indécent. Enfin, ils se sont vendus des. Mais qu'est-ce que t'as dessin? Bah les, tu sais, c'est le groupe, c'est Téléphone qui s'est rebaptisé parce que bah déjà ils étaient vraiment des salauds avec la bassiste Corinne. Ouais. Ils ont pas voulu qu'ils nous ont proposé de venir jouer. Attends un peu, ça c'était, ils ont fait leur retour. Ils ont fait ouais, leur retour. Il y a 8 ans. Ok. Du coup ils jouaient dans tous les festivals en ils été. Ils se sont fait appeler comment? Les Insus. Ok. Et donc les festivals étaient complètement dans le rouge parce qu'ils se vendaient un truc mais indécent, genre 200 000 euros. Hein. 200 000 euros pour? Bah pour avoir le show? Bertignac, Aubert. Ah ouais, ouais, ouais. C'était mais j'ai trouvé le prix des billets. Ah bah c'était 150 euros. Ils étaient obligés d'amortir quoi. J'ai un artiste hier qui a trouvé ça épouvantable de payer 70 euros pour voir Björk. Ben 70 euros c'est pas cher. Bah pour voir Björk en plus. Hey Cat Steven, 300 euros au, à l'Olympia, puis il y a eu la COVID. Ah ouais. Ah mais Cat Steven c'est un... Ouais mais je l'ai jamais vu parce qu'il y a eu la COVID. Mais c'est comme au casino quoi, tu... It's now or never, tu vois, c'est son... Le mec qui fait sa retraite, quoi. Ouais, mais surtout que là, c'est plus Cat Steven, là, c'est son nom... C'est Youssoufa. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Mais je crois que... Je sais pas si c'est pour l'argent. Est-ce qu'ils sont obligés de donner l'argent dans leur... Ah, ça dépend de la politique d'assurance, ça, je sais pas du tout. Mais, non, ce que je veux dire, c'est que quand t'es dans... C'est quoi, c'est pas une secte, eux autres, c'est quoi, c'est un... Un mouvement religieux, ah oui, c'est quoi? Tu veux dire l'islam? Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils sont obligés de donner... Je peux dire que c'est une religion. Oui, hein? C'est ça. Ouais. Non, mais ce que je veux dire... Mais il n'est pas dans un genre de cercle... Ouais. Si, peut-être, ouais. Je ne sais pas du tout. Mais est-ce qu'il faut donner l'argent? Je ne sais pas. Ah, bah, non, je pense qu'il le garde. Comme le mouvement raélien, tu sais, le mouvement raélien, tu donnes 60... Ouais. Non, tu donnes... tu gardes 60%. Ouais, ou la scientologie, tout ça. Eh ben, n'empêche que les insus au Stade de France, tu fais... Ah oui, on va revenir là-dessus. Les mecs, ils... Non, mais je finis juste. Les mecs, ils... Enfin, tu vois, ils se sont mis... Moi, j'ai travaillé avec un ingénieur du son qui a enregistré les premières maquettes de téléphone. Il fallait qu'il aille enlever la seringue du bras de l'un ou de l'autre en disant « On en refait une, les gars, ah ouais, vous n'avez pas le temps de... » Ah ouais. Tu vois, c'était un peu bah, comme Keith Richards, quoi, mais... Je sais pas, Aubert, il a quoi, 60 ans? Eh ben, il y a plus que ça. Je suis quasiment sûr qu'ils n'ont pas touché les tonalités, mais putain, comme ils chantent bien encore l'enfoiré. Ah, mais Jean-Louis Aubert, il est excellent, ses albums solo, c'est très Bertignac bien. Bertignac aussi, hein, c'est bien. Oui, et Les Visiteurs, à un moment donné. Ouais. Ouais. Et, mais ça, c'est la mémoire du corps. Hein. Comment? Pardon? C'est la mémoire du corps aussi, c'est-à-dire que c'est des chansons, ils les ont jouées des milliers de fois, il y a peut-être 30, 40 ans. En fait, ton corps, il s'en souvient. Ouais, ouais. Moi, j'ai... Trouves-tu que voyons, on le nommait, là, celui qui était dans Téléphone. Jean-Louis Aubert ressemble un peu à Mick Jagger. Ah bah ouais. Je pense que sans cette ressemblance, il n'aurait jamais fait de la musique. Oh ouais, tu vois. C'est comme moi avec Morrison. Ouais, c'est ça, ouais. Ah non, mais c'est une espèce de... Mimétisme. Ah ouais, exactement, c'est quand même un clone, quoi. Moi, par exemple, là, j'ai réalisé un rêve de gosse il n'y a pas longtemps. J'ai fait mon best-of. J'ai fait mon meilleur de... hyper ringard et tellement drôle. D'ailleurs, tu vois, ça t'a fait rire tellement c'est drôle. Oui. Mais non, mais c'est la dérision qui est drôle. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'était surtout la joie de redécouvrir des anciens morceaux avec des super musiciens, tu vois, des morceaux que j'ai écrits il y a 25 ans, d'avoir toujours du plaisir à les chanter. Ouais. Le bassiste. Tu l'as risqué? Oui. Okay. Le bassiste là avec qui je joue depuis quelques années, et des fois j'ai des fous rires. Peut-être parce qu'il te fait des trucs, ça vient de. Ça vient du futur ou ça vient d'une autre planète et tu te dis, putain mais quel médium incroyable. C'est-à-dire que t'as pas besoin du langage ou du corps pour provoquer un éclat de rire. C'est-à-dire que le mec il est juste là, il fait. Et en fait c'est indescriptible, c'est-à-dire il est né avec un degré de virtuosité. C'est ça, mais il est né avec ça dans les bras. Ah ouais, mais c'est un bosseur. Ouais. C'est une guitare ou basse? Basse. Ouais. Moi, c'est un bosseur. La première fois que je l'ai rencontré... Un basseur. Ouais. La première fois que je l'ai rencontré, je dis « Ah putain, je suis désolé, je viens seulement de t'envoyer le dossier du spectacle. Est-ce que tu l'as reçu ?» Il me dit « Moi, je regarde pas mes mails le matin, je fais de la basse. Okay. » Le mec, il se réveille, il fait couler le café, il prend sa basse. Ah ouais. Et... Ah, mais il n'y a pas de magie là aussi, c'est les mecs qui se rasent tous les jours, ils se rasent aussi le dimanche, ils se posent plus la question. Ouais, c'est ça, mais moi ça, j'ai réglé. Ouais. Ça, c'est plus du labeur, c'est plus du. C'est la force de l'habitude. Et donc, oui. Et ben, en faisant ce best-of, j'avais très envie de reprendre une. Certaines chansons, dont une que j'étais pas sûr de pouvoir encore chanter, et je me disais, celle-là, je pourrais pas la chanter à 60 ans, c'est sûr. Et ben au début, j'ai galéré, c'était dur. Et en fait, tu réimprimes quelque chose. Et maintenant, je sais que je pourrais la chanter au moins jusqu'à 55. Quoi. Au moins dans 10 ans. Et c'est laquelle? C'est Le Mangeur de cœur. Le Mangeur de cœur, ouais. D'ailleurs, je suis content parce que... Ben, tu sais, j'écris tout sur le texte. Donc je me dis pas, est-ce que ça va bien tomber au début de la mesure? Ouais. Maintenant, j'écris un peu différemment. Mais les gars, ils commencent à admettre que c'est vachement bien comme ça. Parce que si t'attends toujours, moi je suis, je sais pas si je suis, oui je suis impatient en fait, et du coup bah des fois attendre deux temps, que ça tombe bien sur la mesure, et bah ça m'ennuie. Ouais. Alors j'enchaîne, aussi parce que, peut-être pour des raisons de, je sais pas, mais en tout cas, ça marche super bien. Hey, peux-tu me l'envoyer sur WeTransfer, ton best-of? Ben ouais, on a enregistré, je suis... Ok, il est pas prêt encore? Non, je suis... Ok, je pensais qu'il était sorti. Ben, c'est bizarre, je suis pas pressé d'écouter, j'ai peur que ce soit... J'ai peur d'être déçu. Ben voyons. Mais il est terminé? On l'a enregistré, en live, évidemment. Ouais. Deux rêves de gosse. Ouais. Et c'était chouette. Et c'est drôle, il y a des... Il y a des gens qui avaient vu le spectacle de création, donc Je vais être une autre, tu sais, c'est comme ouais. Sur la condition féminine, avec les mêmes musiciens, avec j'essaye de ne pas faire trop d'anglicisme. La moitié de la setlist, c'était la même. Ouais. Il y a des gens qui sont venus dans cette fameuse salle où on a présenté le pompon, où il n'y avait que 15 personnes, ils sont venus voir Je vais être une autre, avec les costumes, avec le décor, avec un peu plus que 15 personnes, et bien ils ne nous ont pas reconnus. Ben voyons. Ils ont détesté Je vais être une autre, ils ne s'y sont pas du tout retrouvés, et là ils ont adoré le best-of. C'est drôle, hein? Mais c'est les mêmes chansons, surtout? Ben ouais, c'est quand même la même moitié de la setlist. Mais peut-être que ça cogitait, non? Ah ouais, c'est ça, c'est peut-être aussi la mémoire du coup. Ouais, ouais. C'est troublant. Hein. Ah mais tu sais, ils ont sorti un nouveau bachon, il y a 81. Mmh. Est-ce que tu l'as écouté? Avec les avec Immortel, tout ça? Non, en spectacle, ah. 81. Non. C'est l'année où il a fait le spectacle en 81. D'accord. Imagine-toi, c'est un... parce que j'ai été ici avec le parolier d'Alain Bachon hier. Bergman, ouais, Bergman. Et il va venir faire une petite chanson demain. Je fais un petit spectacle. Là. Je note, Renal. Non, c'est jeudi. Mais ouais, 81, imagine-toi donc que c'est son preneur de son qui a trouvé par hasard dans ses coffres une cassette chrome du spectacle qu'il avait enregistré, un soir, et ça a donné le disque en question. C'est sorti il y a longtemps? Ben non, ça fait, je l'ai depuis 6 mois. C'est sorti depuis 6 mois. C'est incroyable. Puis c'est, quand c'était tu sais, à la belle époque en plus de Bachelet. Oui, 81, puis tu dis que c'est son nouveau disque, 81. Ouais. Ouais. Un excellent disque, excellent disque. Sors avec ma frangée, maintenant que je suis grande. Je vais essayer de ces jeans, mais faut que je lui demande. J'en fous, je suis mieux qu'elle. Oh non, pas ce soir. Ah, merci pour la guise, mais je veux pas accepter. Avec ma ligne, je dois me surveiller. Merci pour le speed sur les noces de abeilles. Ça va changer, c'est un truc à étudier. Bien vu le dernier plan où tu m'as fait pleurer. Ce côté, comment l'oublier? Oh, t'oublies pas la monnaie. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.